Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez un tas de photos, une chasse au trésor, un livre mystérieux et vous obtiendrez le bout d'inconnu. Ce matin, devant la porte de ma chambre, j'ai trouvé un petit paquet avec un mot dessus. Voici des photos de bouts d'objets, de coins et de recoins de la maison. Retrouve-les et tu auras le droit de manger ce que tu veux pendant une semaine. Trop facile ! La maison n'a pas de secret pour moi ! À moi les pizzas, frites et gâteaux au chocolat ! En un rien de temps, je trouve l'origine de dizaines de photos. À chaque fois, je dépose la photo pour prouver à tout le monde que je suis le meilleur chercheur de trésors. Mais la dernière me pose une colle. Ça ressemble à la tranche d'un vieux livre. Bizarre, j'en ai jamais vu chez nous. Intriguée, je cherche, fouille, farfouille, et, coincée derrière le frigo, je découvre un livre en cuir craquelé. Avec toutes ses dorures et sa pellicule de poussière, on dirait un grimoire de magicien. Et vous l'ouvririez ?